Mais jamais peut-être, en aucun temps comme le nôtre, l'attaque contre la raison n'a été plus vive. Depuis le grand cri de Zarathoustra, par hasard, c'est la plus vieille noblesse du monde. Je l'ai rendue à toutes les choses quand j'ai dit qu'au-dessus d'elle, aucune volonté éternelle ne voulait. Depuis, la maladie mortelle de Kierkegaard, ce mal qui aboutit à la mort sans plus rien après elle. Les thèmes significatifs et torturants de la pensée absurde se sont succédés. Ou du moins, et cette nuance est capitale, ceux de la pensée irrationnelle et religieuse. De Jaspers à Heidegger, de Kierkegaard à Chestov, des phénoménologues à Scheller, sur le plan logique et sur le plan moral, toute une famille d'esprits, parents par leur nostalgie, opposés par leur méthode ou leur but, se sont acharnés à barrer la voie royale de la raison et à retrouver les droits chemins de la vérité. Je suppose ici ces pensées connues et vécues. Quelles que soient ou qu'aient été leurs ambitions, tous sont partis de cet univers indicible où règnent la contradiction, l'antinomie, l'angoisse ou l'impuissance. Et ce qui leur est commun, ce sont justement les thèmes qu'on a jusqu'ici décelés. Pour eux aussi, il faut bien dire que ce qui importe surtout, ce sont les conclusions qu'ils ont pu tirer de ces découvertes. Cela importe tant qu'il faudra les examiner à part. Mais pour le moment, il s'agit seulement de leurs découvertes et de leurs expériences initiales. Il s'agit seulement de constater leur concordance. S'il serait présomptueux de vouloir traiter de leur philosophie, il est possible et suffisant en tout cas de faire sentir le climat qui leur est commun. Heidegger considère froidement la condition humaine et annonce que cette existence est humiliée. La seule réalité, c'est le souci dans toute l'échelle des êtres. Pour l'homme, perdu dans le monde et ses divertissements, ce souci est une peur brève et fuyante. Mais que cette peur prenne conscience d'elle-même, et elle devient l'angoisse, climat perpétuel de l'homme lucide dans lequel l'existence se retrouve. Ce professeur de philosophie écrit sans trembler, et dans le langage le plus abstrait du monde, que le caractère fini et limité de l'existence humaine est plus primordial que l'homme lui-même. Il s'intéresse à Kant, mais c'est pour reconnaître le caractère borné de sa raison pure. C'est pour conclure, au terme de ses analyses, que le monde ne peut plus rien offrir à l'homme angoissé. Ce souci lui paraît à tel point dépasser en vérité les catégories du raisonnement qu'il ne songe qu'à lui et ne parle que de lui. Il énumère ses visages, d'ennui lorsque l'homme banal cherche à le niveler en lui-même et à l'étourdir, de terreur lorsque l'esprit contemple la mort. Lui non plus ne sépare pas la conscience de l'absurde. La conscience de la mort, c'est l'appel du souci et l'existence s'adresse alors à un propre appel par l'intermédiaire de la conscience. Elle est la voix même de l'angoisse et elle adjure l'existence de revenir elle-même de sa perte dans l'on anonyme. Pour lui non plus, il ne faut pas dormir et il faut veiller jusqu'à la consommation. Il se tient dans ce monde absurde, il en accuse le caractère périssable, il cherche sa voie au milieu des décombres. Jaspers désespère de toute ontologie parce qu'il veut que nous ayons perdu la naïveté. Il sait que nous ne pouvons arriver à rien qui transcende le jeu mortel des apparences. Il sait que la fin de l'esprit, c'est l'échec. Il s'attarde le long des aventures spirituelles que nous livre l'histoire et décèle impitoyablement la faille de chaque système. L'illusion qui a tout sauvé, la prédication qui n'a rien caché. Dans ce monde dévasté où l'impossibilité de connaître est démontrée, où le néant paraît la seule réalité, le désespoir sans recours, la seule attitude, il tente de retrouver le fil d'Ariane qui mène au divin secret.